بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الخامس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Bienvenue les frères pour ce cinquième cours dans l'explication du livre Usul al-Iman de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa ma'ana al-hadith al-sadis alladhi dhakarahu al-imam rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui on va voir le sixième hadith qu'a cité l'auteur. An ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqol mafatih al-ghayb khams la ya'lamuha illa Allah. Et donc selon Ibn Umar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les clés de l'inconnaissable sont au nombre de cinq. Seul Allah les connaît. La ya'lamu ma inda Allah, ou la ya'lamu ma fi radin, excusez-moi. La ya'lamu ma fi radin illa Allah. Personne ne sait en dehors d'Allah ce qu'il y aura demain. En dehors d'Allah, personne ne sait ce qu'il y aura demain. وَلَا يَعْلَمُ مَا تَفِيدُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهِ. Et personne en dehors d'Allah ne sait ce que contiennent donc les femmes enceintes. Personne ne sait ce que contiennent les fœtus. Il est important donc, et ça on va détailler par rapport à ça, inshallahu ta'ala. وَلَا يَعْلَمُ مَتَ يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهِ. Et personne ne sait en dehors d'Allah quand viendra la pluie. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ إِلَّا اللَّهِ. Et personne en dehors d'Allah ne sait où, dans quelle terre, elle va mourir. Personne ne sait. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait où on va mourir. وَلَا يَعْلَمُ مَتَ تَكُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et personne en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sait quand viendra l'heure. رواه البخاري ومسلم. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقد ذكرنا هذا الحديث في الدروس الماضية. On a cité ce hadith lors des cours précédents. وتكلمنا عنه. Et on a abordé ce sujet et on a expliqué justement ces cinq points. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. On a cité la parole d'Allah Ta'ala, donc selon la traduction des sens, et il détient les clés de l'inconnaissable. Nul ne les connaît en dehors de lui. فالله تبارك وتعالى استأثر بعلم الغيب. Et donc Allah Ta'ala a gardé la science de l'inconnaissable auprès de lui. Pourquoi on appelle la science de l'inconnaissable El Ghaib? Certains vont traduire ça par l'invisible. Non, c'est pas que invisible, c'est inconnaissable. C'est encore plus que cela encore. C'est pas forcément lié au visible. Ce n'est pas que lié à ce que tu vois. C'est l'inconnaissable. On ne peut pas le savoir. فَالْغَيْبُ مَرَّابِ عَنِ النَّاسِ. Et donc, الْغَيْبُ, ce que j'ai traduit par l'inconnaissable, c'est difficile à traduire le mot الْغَيْبُ. Hein. Donc, on fait une tentative avec le mot inconnaissable. C'est tout ce que les gens ne peuvent atteindre, tout ce que les gens ne peuvent connaître, ne peuvent savoir. مراب عنهم والشهادة ما ظهر لهم. الشهادة, et donc c'est ce qui est apparent pour les gens, ce que les gens peuvent connaître. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala huwa alimul ghaib wash-shahada. Allah le Très-Haut, il est le grand connaisseur de tout ce qui est inconnaissable et de ce qui est donc accessible. Il est le grand connaisseur de ce qui est inconnaissable et de ce qui est accessible, comme il s'est décrit à Baraka wa Ta'ala dans son livre. Et donc dans ce hadith, on voit, comme on l'a vu au cours précédent, la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le fait qu'il sait toutes choses. Mais encore une fois, lorsqu'on étudie ce genre de choses, ce livre-là, on verra beaucoup, beaucoup de passages sur les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beaucoup de passages. Lorsque tu vois ces passages-là, lorsque tu apprends ces attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, on le dit à chaque fois, il faut que ça te serve. Quand tu sais que Allah azawajal, il voit tout, que tu ne peux rien lui cacher, non seulement ce que tu dis, mais aussi ce que tu fais, et ce que tu regardes, ce que tu penses, Allah tabaraka wa ta'ala, il le sait. Alors fais attention à tout. Fais attention à tout. Le fait que tu penses du mal de ton frère, et que tu gardes ça dans ton cœur, que tu ne parles pas. Certains, on a déjà vu, certains pensent que ils ne sont pas blâmables par rapport à ça. Ils ne sont pas blâmés par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils n'ont pas parlé. Ils ont gardé leur mauvaise opinion de leur frère en eux. Là, Yadjouz, cela n'est pas permis, même si tu n'as pas parlé. Même si tu n'as pas parlé. Alors avec ton frère, il règle le problème. Le fait de garder des mauvaises opinions sur nos frères, cela n'est pas permis. Surtout, comme ils l'ont dit les ulémas, cela va te pousser à tomber dans ce qui est plus grave. Le fait de garder ça en toi, un jour ça va sortir. Ça va sortir comment ? Par la médisance. Ah, Foulen il a ci, Foulen il a ça, Foulen il a ci, Foulen il a ça. Et tu es allé parler à tout le monde sauf à la personne concernée. Et donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il connaisse toutes choses. Il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. On ne peut rien lui cacher. Et donc les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5, comme cela a été cité dans le hadith. وقد يقول قائل كيف تقولون إنه لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله ما أننا نرى ذلك في وسائل الإعلام. Il se peut que quelqu'un nous dise, comment pouvez-vous dire que seul Allah connaisse, seul Allah sait quand va descendre la pluie, alors que nous voyons clairement dans les moyens de communication aujourd'hui, les médias et autres, ils informent, demain il va pleuvoir, après-demain il fait chaud, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il nous dit que personne, quand il nous montre clairement que personne ne connaît quand va descendre la pluie en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Al-Jawab. Anna an-nas al-yawm a'tahum Allah tabaraka wa ta'ala qudratan yatawaqqa'una biha mata yanzilu al-matar. La réponse, c'est que les gens, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a accordé il leur a donné une capacité leur permettant d'avoir ce qui s'appelle at-tawaqqu'. C'est les prévisions. Les prévisions liées à la pluie. Wa hadhihi mujarrad tawaqqu'at. Et ce tawaqqu'at, ce ne sont que des prévisions. C'est-à-dire supposition. Quand tusibul al-haq wa qad la tusibul al-haq. Il se peut que ça soit vrai et il se peut que ça soit faux. Il se peut que cela se produise comme pas. Et donc ce n'est pas ça, ilmul ghaib, ce n'est pas ça la connaissance de l'inconnaissable. Nous faisons juste des suppositions, des prévisions. Wa hadhihi al-mas'ala min al-masa'il al-muhimma allati tubayyin قدره الله تعالى وضعف الانسان. Et ce sujet fait partie des sujets importants qui montrent la puissance d'Allah le Très-Haut et la faiblesse de l'être humain. فالله تعالى هو الذي ينزل المطر. Allah, c'est le seul qui fait descendre la pluie. فالانسان الضعيف المسكين مهما حصل أولو كان ماله كالجبال لا يستطيع أن ينزل المطر. L'être humain, même si il a de l'argent comme les montagnes, il ne peut pas faire descendre la pluie. il ne peut pas faire descendre la pluie. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. C'est Allah Azzawajal qui décide quand est-ce que la pluie elle descend ou pas. Tu peux avoir tout ce que tu veux, être grand comme les montagnes, comme tu veux. C'est Allah qui décide. C'est lui seul qui décide, subhanahu wa ta'ala. Et nous les êtres humains, nous devons méditer par rapport à ça. Il faut qu'on se remette en question par rapport à nos péchés. Plus on voit des signes montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on aurait dit qu'on ne comprend pas. Le virus du corona, il est passé. Allez. Ça s'est calmé et les gens, ils retournent dans les péchés. Certains frères qui avaient arrêté de fumer pendant le corona. Le corona, il est passé, ils recommencent à fumer. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand il sera trop tard? Quand l'ange va venir arracher l'âme de notre corps, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut qu'on se remette en cause, les frères. Barakallahu fikoum. Wa qad yaqulu qa'il wa kayfa taqulun innahu la ya'lamu ma fil arham illa Allah. Il se peut qu'une personne nous dise, comment pouvez-vous dire que il y a seul Allah qui sache ce qu'il y a dans les fœtus? Pourtant, aujourd'hui, avec la technologie, aujourd'hui, avec les appareils, on peut voir si c'est un garçon ou une fille. Nakul naham. Lakin, la Buddha an na'rifa ma huwa ilmul ghaib. On dit oui, et c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce qui est voulu par la science de El Raïb. Voilà pourquoi j'ai traduit par l'inconnaissable. C'est pas l'invisible et que les gens aujourd'hui les arrivent à voir et donc, ah maintenant on a connu la science de l'invisible. Non, l'inconnaissable. Hel min ahadin ya'rifu adhakarun aw untha min awwal al-haml. Est-ce qu'il y a une seule personne qui sait? Est-ce que c'est un garçon ou une fille dès le début? Dès le début de la grossesse, وَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يَعْرِفُ هَلْ سَيَتِمُّ الْحَمْلُ أَوْ لَا. Est-ce qu'il y a une seule personne qui sait, est-ce que, donc, la grossesse va se terminer correctement ou pas? Là, لَيْسَ هُنَكْ أَحَدٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَعِلْمُ الْغَيْبِ اِخْتَصَّ بِهِ اللَّهِ. Et donc la science de l'inconnaissable, il y a seul Allah Ta'ala qui la connaissent. Thumma, et donc ce hadith, je ne veux pas non plus tout réexpliquer parce qu'on l'a déjà vu durant les cours précédents. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite donc le 7e hadith et il dit « An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجه. L'auteur il nous cite donc un autre hadith dans Sahihayn, le 7e hadith du livre, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a plus de joie pour le repentir du serviteur lorsqu'il se repent vers son Seigneur que l'un d'entre vous qui est sur sa monture dans un désert et que celle-ci lui échappe alors que sur cette monture il y avait sa nourriture et sa boisson, alors il désespère de récupérer sa nourriture et sa boisson, sa monture, alors il se pose sur un arbre sous l'ombre de cet arbre et désespère alors de retrouver sa monture. C'est-à-dire qu'il désespère ici de la vie. Il sait qu'il est sur un désert, il n'a plus d'eau, plus rien à boire, plus de monture. Il se pose en dessous d'un arbre, il attend la mort. il attend la mort. Et alors qu'il est comme cela, c'est là que sa monture se trouve devant lui. Alors il l'attrape. Et par la joie, tellement il était heureux, il a dit, « Oh Allah, tu es mon esclave, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé tellement il était heureux. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fi hadha al-hadith ithbatu sifati al-farah lillah. Il y a en ce hadith le fait d'affirmer que Allah est décrit par l'attribut de la joie. Fa yajibu alayna an nuthbita lillahi ma athbathahu li nafsihi. Et donc il nous est obligatoire d'affirmer à Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même. Allah a affirmé le concernant l'attribut de la joie. Et donc nous l'affirmons, que ce soit le fait que Allah l'ait affirmé dans son livre, le Coran, ou alors par la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes peuvent se poser une question. Il y a un frère qui m'a posé une question. Il m'a dit, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de groupes. Certains ils disent que Allah il voit, que Allah il a des mains, et d'autres qui disent que Allah ne voit pas, on ne peut pas dire que Allah il a des mains parce que ça c'est de la ressemblance, etc. etc. Il m'a dit, est-ce que je peux, juste je crois en Allah et je fais les cinq piliers de l'islam et c'est bon, ça me suffit pour entrer au paradis. Comme ça, je ne rentre pas dans tout ça. C'est quoi la réponse? Hein? La yakfi. La yakfi. Pourquoi la yakfi? Ça, pourquoi la yakfi? Moi, je lui dis, il a des mains. Hein? Là, il lui dit, il a des mains. Et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Mais n'empêche qu'il a quand même. Mais la personne elle-même, elle se contredit. Parce qu'elle te dit, est-ce que je peux, surtout le terme qu'il a utilisé, est-ce que je peux croire en Allah? Est-ce que croire en Allah, ça veut juste dire croire que Allah, il existe? Non, c'est plus que ça encore. C'est croire que Allah, il existe. Mais tu crois aussi en tous les attributs qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a affirmé le concernant. C'est Allah qui t'a dit qu'il est comme ça. Qui es-tu pour rejeter cela? Qui es-tu pour rejeter cela? L'être humain ne peut pas décrire son âme. Certains, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans cette ambiguïté? C'est parce qu'ils te disent, si tu dis que Allah a des mains, si tu dis que Allah a des yeux, ça veut dire qu'il est comme la créature. Tu lui dis, d'accord, ok. Est-ce que tu peux me décrire ton âme qui est à l'intérieur de toi? Il ne peut pas. D'accord, si tu ne peux pas décrire ton âme qui est en toi, pourquoi est-ce que tu vas chercher à décrire comment sont les attributs d'Allah? Allah nous a dit qu'il a des mains. On croit en cela, mais comment sont ses mains? Non. On s'arrête là. Et donc, il est important de croire aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. On va affirmer donc que Allah Azza wa Jal est décrit avec la caractéristique de joie. Mais est-ce que c'est la joie que l'homme ressent en lui? Jamais là. Et donc, il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça, barakallahu fikoum. Ces sujets-là sont importants. Fallahu tabaraka wa ta'ala yafrahu bi tawbati 'abdihi. Et donc Allah, il est heureux du repentir de son serviteur. Fayatubu Allahu alayhi. Alors Allah accepte son repentir. Allah accepte son repentir. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala va revenir vers lui avec l'agrément et le pardon au lieu de la colère et le châtiment. Allah azza wa jal va accepter le repentir de son serviteur. Et Allah yafrah est heureux. Wa hadha shar'u yahuthuna à la délique. Et notre législation, elle nous pousse à cela. Elle nous pousse à être joyeux lorsque nos frères se repentent. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aucun d'entre vous n'aura pleinement la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes pour toi-même te corriger de tes fautes. Tu dois l'aimer pour ton prochain. بَعْضُ النَّاسِ فِيهِمْ مَرَضٍ. Certaines personnes ont en elles une maladie. Une maladie. يَرَوْنَ إِخْوَانَهُمْ يُخْتِئُونَ فِي شَيْءٍ لَا يَنْصَحُونَهُمْ لَا نُرِيدُ النُّصْحَ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِمْ وَلَا يَنْصَحُونَهُمْ حَتَّى لَا يُصَحِّحُوا أَخْطَاءَهُمْ. Et donc certaines personnes, ils voient leurs frères avec des erreurs. Ils ne vont pas les conseiller. Mais par contre, ils vont parler sur eux. Ils vont parler sur eux et pas les conseiller pour qu'ils corrigent leurs fautes. Normalement, tu dois aimer conseiller tes frères pour qu'ils corrigent leurs erreurs. Et une fois qu'il s'est repenti, tu es heureux. T'as un frère qui était dans une secte ou dans un groupe, il se repent. Alhamdulillah, le frère il s'est repenti, on est heureux. Certains non, ils éprouvent une rage. Une rage. C'est une maladie des cœurs ça. Celui qui éprouve une rage lorsqu'il voit que son frère se repent, lorsqu'il voit que son frère se corrige, il faut qu'il aille corriger, il faut qu'il aille se soigner les frères. Il faut qu'il aille se soigner, ceci est une maladie du cœur. Purifie ton cœur si tu ressens en toi une gêne, une colère, une jalousie lorsque ton frère s'est corrigé de ses fautes. Alors toi, fais absolument toutes les causes que tu peux pour retirer cette maladie de ton cœur. Normalement, tu dois être heureux. Ton frère, alhamdoulillah, il s'est marié, il a eu des enfants ou autre. Tu dois être heureux. Non, certains vont avoir en eux la jalousie. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العباد وهو لا يحتاج إليهم. Et Allah est heureux du repentir de ses serviteurs et il n'a pas besoin d'eux. Allah n'a pas besoin de nous, il se passe de nous. Mais c'est parce que Allah il veut pour nous le bien. Les frères, celui qui médite sur les textes de la législation, il voit clairement que Allah tabaraka wa ta'ala la yuridu lana mayadurruna. Il ne veut pas pour nous ce qui nous fait de mal. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Allah azza wa jal, il veut pour nous le paradis. Il a envoyé son messager. Il a protégé son livre depuis tant d'années. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on profite du Coran. Il a protégé la sunna pour qu'on puisse comprendre le Coran. Il pardonne nos péchés. Il cache nos péchés. Allah Azza wa Jal, il veut qu'on aille au paradis. Il nous donne des moyens d'augmenter nos récompenses. Tu jeûnes Ramadan. Et ensuite tu jeûnes 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il a jeûné toute l'année. Allah Azza wa Jal, il nous facilite. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة بينهن. Les 5 prières entre elles, le vendredi, d'un vendredi à un autre, d'un ramadan à un autre, sont des expiations des péchés. Des expiations des péchés tout le temps, tout le temps. Allah Azza wa Jalla nous facilite pour expier nos péchés. Et donc il faut qu'on comprenne que Allah il veut nous faciliter. Nous devons prendre et saisir à pleines dents cette facilité que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordée. Et nous repentir nuit et jour. Nous avons, alhamdoulillah, une religion où le repentir est facile. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain hadith, inshallah. Une religion dans laquelle le repentir est facile. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُخْتِ لَا يُؤَخَذْ. Il y a aussi dans le hadith le fait que celui qui se trompe, il n'est pas blâmé. Il s'est trompé. Et c'est ça qui est conforme avec le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قلوبكم. Et vous n'avez aucun mal concernant ce sur quoi vous vous êtes trompé. Mais vous êtes blâmé concernant ce que vous faites intentionnellement. تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Vous le faites intentionnellement. Et notre législation, elle est comme ça. Parfois, certaines personnes, malheureusement, toujours, la maladie dans le cœur, si une personne fait ce qu'on appelle zellatul lisan, un lapsus, ya Allah, ya que tu fais un lapsus. Il fait un lapsus, le pauvre, certains l'ont kaffar tout de suite. Tout de suite, c'est pas un musulman. Pourquoi? Une fois il a dit ça, ya akhi, il s'est trompé, il voulait dire autre chose. Non. Certains, ce sont des chasseurs d'erreurs. On attend que nos frères fassent le moindre faux pas. Et on tape. Et on tape. Le frère, il dit, c'était un lapsus. Non, c'était pas un lapsus, ils disent. Subhanallah. Regardez ce hadith. L'homme, il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. Parole grave, c'est une parole de kufr, une parole de mécréance. Les savants disent, mais Allah Azzawajal ne l'a pas châtié par rapport à ça parce que il s'est trompé, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et donc lorsque tu vois que ton frère, il se trompe, il dit quelque chose, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, Alhamdulillah, il faut qu'on apprenne à avoir un peu de rahma entre nous, un peu de miséricorde. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man la yarhamu la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui est pas fait miséricorde. Alors fais attention. ثم قال المؤلف ensuite l'auteur il nous dit عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب على مسيء النهار ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Et donc ensuite l'auteur il nous dit selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah étend sa main durant la nuit pour que celui qui a mal agi durant la journée se repente. Et Allah étend sa main durant la nuit pour Allah étend sa main durant la journée pour que celui qui a mal agi durant la nuit se repente jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et dans ce hadith, il y a l'attribut de la main. Et on a déjà parlé de l'attribut de la main. Donc, dans les cours précédents. Allah, il a combien de mains? Deux. Ou plus? Ah. Attends, qui a écouté le cours où on a abordé le sujet de la main? Parce que je sais que quand c'est en ligne... Souvent, alors deux ou plus. Donc, qui est ma yamin? Beliadehu mebsoutaten. Mais ses deux mains sont tendues. Deux mains droites. Mais il n'y a pas des versets où on voit la main au pluriel? Mais, hein? Et donc, mais Allah, il a cité le pluriel. Bi'aidina, nos mains. Et donc, deux c'est le pluriel. Alors ici, on a un sujet. On a le singulier. On a le pluriel. Mais dans la langue arabe, on a aussi le duel. Ça, on n'a pas en français, ça. Le duel. On va faire la distinction entre, donc, le pluriel. Certains vont dire que dans la langue arabe, le pluriel, il commence à partir de trois. Dans la langue arabe, le pluriel commence à partir de trois. Et voilà pourquoi... Certains peuvent penser, donc quand ils vont voir le terme au pluriel, les mains d'Allah, ils vont dire « Ah !» Donc là, c'est plus que deux, forcément. Mais non. Ce qui est voulu... Hein? Il y a eu plusieurs explications par rapport à ça. Certains ont dit, donc, la valorisation des mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on utilise le pluriel. Et il y a aussi le fait que la vie le plus juste... c'est que le pluriel, ça commence à deux. Le pluriel commence à deux. Ça, c'est une divergence déjà dans la langue arabe. La vie le plus juste, le pluriel commence à deux. Il y a des preuves. Lesquelles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à Fatima et à Ali radiallahu anhuma et il leur dit « Ela tusalloun, ne priez-vous pas ?» Il a utilisé le pluriel alors qu'il aurait pu utiliser le duel comme on a dans la langue arabe « Ela tusalliyen, ne priez-vous pas pour vous deux ?» Mais là, il a utilisé le pluriel. Et donc, certains savants disent que dans la langue arabe, le plus petit pluriel commence à partir de deux. Comme on a par exemple dans la langue française. Et donc, chez Ahl Sunnati wal Jama'a, Allah, il a deux mains. Allah, il a deux mains. Et concernant la divergence, est-ce que ces deux mains sont yémin ou pas? Est-ce qu'il a une main gauche? Deux mains droites. Tu l'as écouté? Oui. Hein? Al-Kuwa. Non. Il fait fort bien Al-Aid ou Al-Aidi. Non. Al-Kuwa. Non. Et donc, deux mains droites ou. Deux mains droites. Deux mains droites? Sûr? Et qu'est-ce que tu fais du hadith dans Sahih Muslim? Que Yawm al-Qiyama, Allah Azza wa Jal, il va donc tenir la terre par la main gauche avec la main gauche, que Allah Ta'ala va tenir la terre, les terres, al-aradin, yatwiha, Allah va donc les plier avec la main gauche. On a dit cette ziyada, c'est une ziyada, elle est faible, même si elle est dans Sahih Muslim. Cheikh l'Albani, rahimahullah, il a montré donc, le problème qu'il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith. Et Serge, je l'avais expliqué au cours, je crois que c'était il y a deux cours, Inch'Allah ta'ala. Donc vous pouvez retourner voir le passage, bi'iznillahi ta'ala, pour ceux qui veulent plus de détails. Donc ça, c'est une divergence chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc est-ce que Allah il a deux mains droites ou est-ce qu'il a une main droite et une main gauche? Et la vie le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est de se baser sur le hadith le plus authentique. Kilta yadehi yamin. Ses deux mains sont droites. On continue donc par rapport au hadith qu'on vient de voir. Fihi anna Allah ta'ala yatubu ala ibadihi laylan wa naharan. Il y a dans ce hadith le fait que Allah accepte le repentir de ses serviteurs jour et nuit. Jour et nuit. Vous connaissez le système de confession chez les chrétiens? Voilà, faut aller voir le prêtre. Faut que tu attendes que l'église s'ouvre. Hein? C'est-à-dire que tu as fait ton péché, c'est le soir. Tu dois attendre que l'église s'ouvre. Il se peut que tu meurs avant. Mais non, tu dois attendre que l'église s'ouvre. Une fois que l'église est ouverte, tu vas, tu demandes, on te dit non, le prêtre il n'est pas là. Il faut venir de telle heure à telle heure. Et c'est à partir de là que le repentir il commence. C'est quand tu as parlé au prêtre et que tu lui as dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je veux que mon Seigneur il me pardonne. Et là il te regarde, il te dit bon, c'est ton Seigneur t'a pardonné. Notre religion, Allah Ta'ala, nous a facilité. Tu te repens, tu es tout seul chez toi, tu n'as pas besoin de dire à qui que ce soit ce que tu as fait, tu te repens à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malgré ça, on a du mal. Malgré ça, on a du mal. On a tellement du mal que parfois, il se peut que tu vois une personne qui reste là, la personne là, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Alors que c'est tout à fait normal, il fait du istighfar. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de choquant. Ça devait être ça, notre mode de vie. Mais on s'est tellement éloigné du repentir que maintenant, dès qu'on voit quelqu'un qui se repent, c'est choquant. C'est choquant. Et donc, les frères, il faut vraiment qu'on profite de cette facilité que Allah nous a accordée. Allah, il aurait pu fermer la porte du repentir et que le repentir ne soit ouvert que d'une heure à une autre. Que le repentir soit ouvert seulement, allez, 10 minutes avant Fajr. Ou alors, seulement le dernier tiers de la nuit. Allah il nous a facilité, le repentir il est ouvert tout le temps. C'est à nous d'agir maintenant, c'est juste à nous de demander pardon pour nos péchés. Regardez cette belle religion. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire le signe évident montrant la fin du monde. Et d'ailleurs, ce hadith nous rappelle un sujet important, c'est quoi ? La hijra. La hijra, barakallahu fik. La hijra. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « La tanqati'u al-tawbatu hatta » ou « La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u al-tawba » L'émigration ne s'arrêtera que lorsque le repentir s'arrêtera. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Parce que « al-tawba » et « al-hijra » c'est une tawba. « Al-hijra » c'est une tawba, c'est un repentir, le fait de délaisser les péchés. Il faut qu'on apprenne cela. Al-hijra, c'est pas juste tu prends l'avion, tu vas dans un pays musulman, et après tu fais toutes les fawahish que tu veux dans les pays musulmans. Non. Al-hijra, c'est délaisser les péchés. Al-muhajiru man hajara man nahahu Allahu an. Le muhajir est celui qui a délaissé ce que Allah lui a interdit. Et donc voilà, c'est quelques mots que je voulais vous citer concernant ces quelques hadiths. Et on va continuer, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.